Merci beaucoup. Moi aussi, je suis un peu tombée dans la fonction publique territoriale, j'ai envie de dire, en écrivant ces livres, parce qu'on n'en entend pas parler en tant que tel le reste du temps, dans aucun autre métier, même si, évidemment, une fois qu'on ouvre les yeux, on la voit partout, tout le temps, et on voit sa nécessité, son importance. Et j'ai envie de dire, c'est dommage que dans cette séance, il n'y ait pas l'intégralité des étudiants et étudiantes de l'École d'affaires publiques de Sciences Po. Mais c'est vrai, et je n'imaginais pas à quel point c'était peu présent, mais j'étais invitée à parler du livre « La haine des fonctionnaires » par le LIER, une association de hauts et hautes fonctionnaires écolos, pour le dire rapidement, et notamment par une jeune femme qui travaille pour l'association, qui est encore étudiante à Sciences Po, et qui m'a dit « Dans votre livre, j'ai vu des métiers, je ne m'étais jamais dit que c'était des fonctionnaires. » Et bah, parce qu'on parle de vagmestre, d'ATSEM, etc., de tous les métiers de catégorie C, en fait, dont on ne parle jamais à Sciences Po, globalement, et en tout cas pas en tant qu'ils sont, et elles sont des fonctionnaires. Et donc moi qui ne fréquente pas le AP tous les jours, j'ai réalisé qu'on leur parle très probablement bah, des A+, et peut-être des grandes masses bien identifiées dans l'État et dans l'hospitalière, et pas de ces métiers tellement variés dans la territoriale qu'on a l'impression qu'ils n'existent pas, et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il faudrait qu'il et elle soient avec nous, mais en attendant, on va en parler entre nous. Et je me sens, à vrai dire, assez peu légitime, mais je sais que je parle pour les collègues qui ne travaillent plus sur ça, y compris puisque l'ancien directeur du CSO, mon laboratoire ici, Olivier Boraz, a fait une thèse sur les maires, et après, il est allé travailler sur plein d'autres choses, parce que le pouvoir des maires, ça n'intéressait pas grand monde. Ma collègue Émilie Bilan-Curinier, qui inspire beaucoup tout ce que je peux dire là-dessus, qui a fait un très beau repère sur la fonction publique territoriale, elle a fait une thèse là-dessus. Maintenant, elle travaille sur tout à fait autre chose. C'est des choses qui ne sont pas vendeuses dans le monde universitaire non plus, alors qu'encore une fois, elles structurent un peu nos journées. Donc c'est vraiment bien qu'on en parle, et à la fois, je ne fais que rapporter les propos des quelques autres personnes qui ont travaillé là-dessus et espérer qu'il y en ait d'autres. Je voudrais juste faire deux petits paquets de remarques d'inspiration universitaire et puis d'autres qui me sont plus venues en parlant autour du livre, puisque moi je rencontre du coup beaucoup d'agents et agentes, notamment de la territoriale, qui viennent dès qu'il y a l'occasion de parler de leur métier et de s'exprimer et de se parler entre eux et elles. Et cette semaine, je parlais notamment avec à Capcom, donc à la coopérative des responsables de communication interne de collectivité, et où ces questions d'image et de comment on parle, y compris entre agents et à la population, voire à nos ministres, de l'existence et l'importance de la fonction publique territoriale se posent. Alors, premier élément, pour repartir de ce que raconte justement Émilie Bilan-Curinier dans ce repère, elle raconte beaucoup de choses importantes, mais elle souligne les enjeux de position mutuelle presque symbolique de la fonction publique territoriale par rapport aux autres fonctions publiques. On sait bien qu'elle est souvent vue comme la dernière arrivée, celle qui a moins diplômé, celle qui est moins connue. Voilà, dans les confrontations, il y a un peu un côté moins bien, petite dernière, et ainsi de suite. Mais ce que souligne Émilie, c'est qu'elle a, paradoxalement, cette fonction publique territoriale été remise en valeur par certains et certaines ministres régulièrement, comme étant potentiellement à l'avant-garde, mais à l'avant-garde de quoi ? À l'avant-garde de réformes qui sont facilement stigmatisées, par exemple par les organisations syndicales, comme des casses du statut. Et c'est le cas notamment quand le caractère d'organisation en métier plutôt qu'en corps de la fonction publique territoriale peut être utilisé comme levier pour remettre en cause des fonctionnements des autres fonctions publiques, ou encore le fait qu'il y a toujours eu une part importante de contractuels dans la territoriale, pour des tas de raisons agréables ou non, peut être présenté non plus comme une sorte de handicap de la territoriale, mais comme un caractère avant-gardiste, comme quoi il faudrait que partout ce soit plus comme ça. Et donc la territoriale peut jouer aussi un peu le mauvais rôle du point de vue des organisations syndicales, notamment de celles qui, ayant le statut le dernier, peut-être un peu plus fragile, etc., seraient utilisées pour casser le statut des autres. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans vos propos, notamment, c'est plusieurs leviers que vous nous avez donnés pour dire non, la territoriale peut être un modèle pour d'autres fonctions publiques d'une manière qui peut beaucoup plus intéresser aussi les élus et aussi éventuellement les organisations syndicales, notamment dans ce fonctionnement du Conseil supérieur qui est une vraie instance de dialogue social qui a l'air de produire des choses parfois consensuelles, ce qui n'est quand même pas nécessairement le cas dans les autres fonctions publiques ni dans le privé. dans, comme vous l'avez rappelé, le point fondamental du statut, hein, qui est de rechercher cet équilibre entre l'autonomie nécessaire des collectivités, puisqu'elles sont dirigées par des élus, et un cadre protecteur pour les agents, qui est quelque chose qui a été quand même beaucoup remis en cause, hein, dans les réformes du statut, qui est toujours fragile. Mais cet idéal-là, je pense qu'il est très inspirant, parce que l'idée d'autonomie de direction de différents organismes dans les fonctions publiques, elle a été tellement vantée, etc., qu'on ne reviendra pas complètement dessus. Mais elle est souvent mise en avant sans se poser la question précisément de la protection des personnels et de leur capacité, ne serait-ce qu'à bouger et avoir un cadre commun, et ainsi de suite. Quand on parle d'autres parties de la fonction publique, par exemple d'autonomie des universités, des hôpitaux, etc., assez rapidement, ça peut dériver dans une autonomie comme plein pouvoir des chefs, au détriment de leurs agents. Et donc revenir à la manière dont a été pensé au départ cet équilibre entre l'autonomie de ces 40 000 exécutifs et le cadre commun, les grilles, tout ce qui permet de l'équité, tout ce qui permet de bouger, ça me paraît pouvoir être, y compris communiqué, comme quelque chose d'avenir, alors que c'est souvent présenté, voilà, les statuts des années 1980 comme d'une rigidité insupportable. Et puis, ce que vous évoquiez en dernier lieu m'a beaucoup frappé sur la relation entre les centres de gestion comme étant au plus près des communes et des élus, et puis le CNFPT comme ayant des formes de déconcentration mais limitées, et la manière dont on arrive à se parler, en tout cas en Bretagne. Je pense que là, on a un idéal d'interaction entre les agents déconcentrés de l'État et des représentants des élus. Qui est nécessaire. Alors, pour revenir à la préhistoire du Centre de sociologie des organisations, c'est ce qu'avaient travaillé les fondateurs, certains des fondateurs de mon laboratoire à l'époque sur les relations entre les maires et les préfets, ou même avant la décentralisation, ils montraient que tout n'était pas si vertical que ça, parce qu'en gros, les préfets voyaient la nécessité de parler, de travailler, de faire des concessions aux élus locaux pour obtenir de la légitimité. Et c'est le second point d'inspiration universitaire que je voudrais faire en m'inspirant des travaux de Renaud Epstein, un politiste qui s'intéresse aux villes, à la fois du point de vue des politiques urbaines, des politiques de la ville, mais aussi du pouvoir qu'ont ou pas les villes vis-à-vis de l'État central. Et en gros, ce que montre Renaud Epstein, c'est qu'il y a eu plusieurs périodes en France, donc, dans les années 50-60, où théoriquement c'était centralisé, où en fait un équilibre s'était fait, un dialogue se faisait dans beaucoup de cas entre les préfets et les maires, qui étaient les plus grands élus à l'époque, pour que les choses se fassent, les variantes nécessaires se fassent tout en gardant un cadre national, etc. Ce que raconte Renaud Epstein, c'est qu'après la première décentralisation et déconcentration dans les années 1980, les deux phénomènes ont été suffisamment parallèles pour que des formes de dialogue se reconstituent, un peu différentes, pas exactement entre les mêmes acteurs, mais un équilibre se refaisait, où peut-être les villes avaient plus d'autonomie, mais on arrivait à se parler. Et ce qu'il déplore depuis, et il écrit là-dessus depuis maintenant une vingtaine d'années, hein, c'est que depuis les années 2000, et un peu paradoxalement, parce qu'il y a toujours des discours sur la décentralisation, il y a eu une énorme reverticalisation des relations entre l'État et les collectivités pour tout un ensemble de raisons. Alors, en dernier lieu, ces questions de ressources qui sont évidemment majeures et que vous avez évoquées, hein, y compris avec des transferts de responsabilités, mais sans transfert de ressources, donc qui ne laissent plus de marge de manœuvre à côté aux collectivités pour faire leur propre politique. Mais même en amont de ça, des transferts, y compris entre niveaux dans la déconcentration, qui ont notamment déshabillé les services déconcentrés des départements, qui étaient les DDE, par exemple, qui étaient des interlocuteurs cruciaux, ou dont les compétences et les moyens sont partis soit dans les services déconcentrés dans les régions, soit dans les collectivités. Donc le problème de manque d'interlocuteurs déconcentrés, en fait, face aux élus, se pose beaucoup. Et il me semble que ce que vous nous dites du fonctionnement du CNFPT peut constituer un contre-modèle de on a une administration centrale avec des catégories A, etc., et on est censé fournir le cadre, mais on est suffisamment déconcentré pour être à l'écoute de ceux qui, eux, sont décentralisés. Et puis le dernier point que fait Renaud Epstein sur le pourquoi de cette reverticalisation, C'est intéressant parce que c'est lié aux réformes qu'on appelle de nouveau management public, donc qui est maintenant un assez vieux nouveau management public, puisque les idées datent des années 1970, mais qui est mis en œuvre plus intensivement depuis les années 2000, et notamment de tout ce qui relève du gouvernement à distance, comme disent les sociologues ou les politistes, donc les gouvernements par indicateurs, par ratios, et ainsi de suite. Tout ce qui est lié à la LOLF, et également le fonctionnement par appel à projet, qui sont deux volets par lesquels, en fait, on a beau emballer tout ça avec un discours d'autonomisation et de responsabilisation, dans notre cas des communes, des départements, dans notre cas des hôpitaux, des universités. En fait, quand tout le monde est soumis aux mêmes indicateurs et aux mêmes ratios, d'un côté, et que de l'autre côté, pour obtenir des moyens, il faut répondre à des appels à projets où on est en concurrence les uns avec les autres, et où si certaines communes gagnent, d'autres perdront, on ne peut pas avoir véritablement une autonomie, une capacité d'expérimentation, comme vous disiez, de tester des choses, et après de voir si les autres les adopteront. Puisque dans le meilleur des cas, si on obtient un projet sur appel à projet pour tester des choses, ça veut dire que les autres ne pourront pas les adopter, puisqu'eux n'ont pas gagné l'appel à projet. Et donc, ce que montre, et je pense que c'est important d'avoir en tête Renaud Epstein, c'est à quel point des discours qui avaient été faits au nom de l'autonomie et aussi au nom de plus de souplesse par rapport aux rigidités supposées liées, que ce soit au statut de la fonction publique, aux anciens fonctionnements centralisateurs, etc., de fait, ont introduit de nouvelles rigidités parce qu'on a un gouvernement extrêmement à distance et qui est à distance parce que ça passe par des chiffres, des indicateurs, des logiciels, etc., mais qui est aussi à distance physique. Et je pense que vous avez dit sur la méconnaissance des personnes dans les ministères sur ce que c'est les réalités de la fonction publique territoriale et de la vie des élus, et même l'impossibilité parfois d'accéder au ministère au moment pertinent, est extrêmement important. C'est-à-dire que je ne dirais pas nécessairement que ces personnes ont des intentions négative envers l'autonomie des collectivités ou envers le personnel de la fonction publique territoriale, c'est plus qu'elles sont maintenues dans une ignorance par l'ensemble des structures qui les maintiennent extrêmement loin de tout ça et qui les maintiennent dans l'idée qu'on peut tout gouverner avec des tableaux Excel sans parler avec des personnes physiques qui représentent ces choses-là. Donc ça, c'est l'aspect peut-être un peu moins enchanté de ce que les sciences sociales permettent de dire sur le sujet. Mais en même temps, une fois qu'on a conscience de cette verticalisation, encore une fois, paradoxale, hein, puisque les discours continuent d'attaquer le jacobinisme, de vanter le fait qu'on a tout autonomisé, etc. Une fois qu'on a conscience de cette verticalisation depuis une bonne vingtaine d'années et des différents canaux par lesquels elle passe, peut-être est-ce plus facile de la dénoncer dans le cadre des élus notamment et de lutter contre. Alors, je voudrais terminer, si je suis trop longue, par quelques points qui relèvent plus de la politique à la fois de ressources humaines et de la communication à son sujet vis-à-vis des agents eux-mêmes, de l'extérieur et des questions d'attractivité qui nous ont beaucoup intéressés avec mes co-auteurs et co-autrices, puisque pendant qu'on travaillait sur la haine des fonctionnaires, il y avait une interrogation sur l'attractivité de la fonction publique en général à France Stratégie, mais qui a le mérite d'avoir vraiment bien mis en avant les questions spécifiques à la territoriale et ou aux agents de catégorie C aussi. Donc on s'est un peu impliqué là-dedans et ces discussions m'ont paru vraiment intéressantes. Et puis aussi parce que dans le livre La haine des fonctionnaires, justement, on essaye de prendre à bras le corps tous ces clichés qui sont en effet aussi anciens que la fonction publique et de voir qu'est-ce qu'on peut faire contre. Et ça n'est pas simple, puisque parfois quand on y répond, on ne fait que les entretenir en les rappelant. Mais j'aurais trois petits points de réaction et de discussion peut-être à ouvrir avec vous là-dessus. Un point qui m'est revenu plusieurs fois cette semaine et auquel, à vrai dire, je n'avais pas tellement pensé avant, c'est que dans notre livre, comme beaucoup, et on n'est pas très originaux là-dessus, pour répondre au cliché de la paresse des fonctionnaires, on répond d'une part par des chiffres sur les temps de travail, sur la pénibilité de certains emplois, et d'autre part par des incarnations, par des récits de situations où on voit bien que les personnes, loin d'être paresseuses, se donnent énormément à leur travail, éventuellement on souffre. Par exemple, voilà, des histoires sur les personnes qui distribuent le courrier dans une collectivité, qui est un des métiers vaguement les moins connus sûrement, et on montre l'importance et la pénibilité. Mais en fait, je m'interroge de plus en plus sur les effets pervers que peut avoir cette réponse en termes de « mais non, nous aussi, on travaille trop et on en souffre, en fait ». Déjà sur l'attractivité, on a été plusieurs, enfin, nous on le fait scientifiquement, la CGT a fait une campagne d'affiches, par exemple, où il parle de l'espérance de vie réduite des égoutiers. Genre, effectivement, c'est bien triste pour les égoutiers et ce serait bien malheureux de les traiter de paresseux, mais... Enfin, quel effet on fait aux égoutiers en disant à propos vous allez mourir 20 ans plus tôt que la moyenne des hommes? C'est compliqué du point de vue de la communication. Et ça pose un problème plus large qui est en fait sur quoi on veut communiquer? Est-ce qu'on veut communiquer sur le fait que nous aussi on est tous en burn-out? Ou est-ce qu'on assume de dire qu'une politique RH de la fonction publique, c'est aussi, comme vous l'avez évoqué en passant, la conciliation des temps? C'est aussi proposer des emplois qui sont peut-être plus vivables à certains égards que des emplois équivalents dans le privé. Et c'est particulièrement important pour la question des catégories C, où historiquement, c'est vraiment ce que montrent les collègues qui ont travaillé sur les années 50-60 sur les catégories C de la territoriale et d'ailleurs de, voire D à l'époque, de l'hospitalière, où à l'époque il y avait des blanchisseuses, ou encore des entreprises d'État, on pense aux facteurs, qui étaient parfois des anciens ouvriers fatigués de l'usine. Et pourtant, facteur, c'est fatigant aussi, mais qui trouvait un travail avec moins de bruit, plus de sociabilité, et ainsi de suite. Et ce que montre le travail de France Stratégie sur l'attractivité, c'est qu'ils ont, y compris, interrogé des personnes à un métier équivalent, plutôt utilisé des enquêtes existantes, d'ailleurs, sur l'opinion des personnes à un métier équivalent, sur les métiers qui existent tant dans le public que dans le privé. Et les ratios de satisfaction sur les conditions de travail, notamment, diffèrent beaucoup selon les métiers. Autant on sait bien que les infirmières ont tendance à quitter l'hôpital public pour être en libéral, dans le privé ou autre, parce que c'est trop dur l'hôpital public, autant en particulier le personnel de ménage et le personnel de restauration est beaucoup plus content dans les collectivités territoriales des conditions de travail. Et on imagine notamment des horaires, de l'ambiance hiérarchique, de plein de choses, donc de la conciliation des temps. Et c'est un atout, en fait, du point de vue des employeurs, de dire vous serez juste pas malade de votre travail, vous pourrez parfois voir vos enfants et ainsi de suite. Donc si ça c'est vu par la société comme paresseux, peut-être faut-il se poser aussi la question de dire bah oui, non mais on veut des agents qui fassent bien leur travail, qui n'oublient pas une partie de leur travail, mais on veut aussi qu'après ils aient une vie, etc. Donc c'est une vraie question sur ce qu'on veut communiquer, qui est liée pour moi à deux autres questions qui sont très fondée sur ce rapport aux catégories C, notamment aux catégories qui relèvent, pour employer un vocabulaire un peu écologiste, de la maintenance, mais au sens large. Ça peut réellement inclure le personnel de maintenance des bâtiments, et puis je mettrai là-dedans le personnel de ménage, le personnel de jardinage, voire à certains égards les personnes qui font du care, donc qui s'occupent d'autres personnes. Au sens où quoi, où c'est pas des gens qui produisent des choses nouvelles et des innovations technologiques, c'est des gens qui s'assurent que ce qui existe déjà tient et ne produit pas des risques, des accidents, des catastrophes pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui, dans notre société, est pas forcément extrêmement valorisé médiatiquement, mais il y a des prises, notamment les prises écologistes et les prises féministes sur la notion de maintenance et sur la notion de care, qui peuvent fonctionner dans les plus jeunes générations. Et pour les plus anciens, il faut sans doute le formuler différemment, mais en gros, l'idée que c'est des personnes qui font que tout ce qui est là ne s'effondre pas, y compris les infrastructures. Hein. On sait que les ponts s'effondrent plus facilement aux États-Unis parce qu'on n'a pas ce type de personnel-là dans les collectivités. C'est assez important. Et je le dis parce que j'étais frappée vraiment en ayant un peu regardé ce qui se faisait sur l'externalisation pour l'ouvrage L'année fonctionnaire. Par l'idée que toutes ces fonctions-là, en fait, parce qu'elles sont exercées par des personnes peu diplômées, qui concrètement ne sont pas des personnes de la famille, de ceux et celles qui décident, parce que c'est ça aussi, qui sont loin socialement, sont considérées comme n'étant pas dans le cœur de métier du public et comme étant externalisables. Alors qu'en fait, pour toutes ces fonctions d'entretien, que ce soit des bâtiments ou des personnes, un point clé, c'est l'expérience, vous l'avez évoqué par moment, c'est connaître les lieux, les types de personnes, etc., dont on s'occupe. Et donc le faire en tant qu'intérimaire d'un sous-sous-traitant qui passe là pendant 2 heures, c'est pas faire le même travail. Donc je pense que c'est un point sur lequel il est important de communiquer. Je ne sais pas complètement comment, mais qui peut ne pas être politiquement clivant, en fait, pas au sens de la politique partisane en tout cas, Mais ou si on ne fait rien pour se mobiliser collectivement là-dessus, ces personnes vont disparaître parce que c'est des catégories de la fonction publique qui sont les plus proches de la retraite, sur lesquelles il y a une grosse pression pour ne pas les renouveler, pour externaliser leur travail. Et je termine là-dessus, c'est lié à l'enjeu politique que vous évoquiez du point de vue des usagers, hein, et que je partage complètement sur le sentiment d'abandon et la tentation du vote d'extrême droite liée à cela. Nous, en travaillant sur ce livre, on s'est rendu compte, notamment Willy Pelletier, qui habite dans l'Aisne, dans une zone très pauvre et très d'extrême droite, de l'existence de fonctionnaires qui font du fonctionnaire bashing. Par ailleurs, de fonctionnaires qui votent à l'extrême droite de plus en plus, et qui sont en fait souvent des hommes un peu diplômés qui exercent des métiers manuels et qui ne se sentent pas pris en compte en fait par comme étant des fonctionnaires par ceux qui dirigent la fonction publique. Alors, et dont le ressenti peut être assez facilement instrumentalisé parce que les clichés anti-fonctionnaires historiques sont assez souvent, en fait, quand on y regarde de près, des clichés anti-personnels de bureau, ça, il n'y a pas besoin d'y regarder de très près, mais aussi des clichés misogynes, parce qu'en fait, le fonctionnaire qui est méprisé, qui est un fonctionnaire de bureau, est souvent une femme, hein, la personne au guichet est souvent une femme, et ou des clichés anti-diplômés. Puisque historiquement, la fonction publique est quand même plus diplômée que le reste de la population, pas la territoriale, justement. Et donc, ça peut être aussi des clichés de ressentiment de personnes peu diplômées. Et donc, la territoriale, c'est aussi cet endroit où on a des hommes peu diplômés qui font des métiers manuels, qui pour autant sont fonctionnaires, mais qui n'ont pas vraiment beaucoup d'occasions qui leur sont données de s'identifier à l'image des fonctionnaires, parce qu'ils ne ressemblent pas à un conseiller d'État, en gros. Et si on ne fait pas quelque chose pour parler aussi à ces catégories et pour... mettre en valeur leur contribution au service public, et pas toujours, même si c'est légitime aussi, parler uniquement des policiers, des enseignants et des infirmières, on risque de perdre vraiment l'accroche avec les classes populaires. Et c'est évidemment en partie une question de communication, c'est aussi complètement une question de recrutement, hein, puisque pour des personnes avec ce profil-là, la territoriale a pu pendant longtemps être un endroit où on pouvait être recruté, où on pouvait même faire carrière en interne, elle l'est de moins en moins. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on maintienne l'existence de ces catégories et qu'on en parle si on ne veut pas avoir cet état régulateur que décrivent les politistes qui se résume à 500 conseillers d'État universitaires, je ne sais quoi, à Paris, qui pensent gouverner le reste à distance et qui sont complètement coupés du reste de la population. Je vous remercie. Bravo.